if we could follow the movement closely on every step without thinking much, we might answer these questions. We might accept when we listen the Dhamma talk. Otherwise, it is not easy to understand clearly. Jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé de la marche. Il y a trois questions que le méditant qui pratique la marche va tôt ou tard se poser. Qui marche ? À qui appartient ce mouvement ? Pourquoi la marche a-t-elle lieu ? Un méditant qui pratique la marche de façon sérieuse, qui est capable de suivre le mouvement avec précision, qui ne pense pas trop pendant sa pratique, pourra, tôt ou tard, répondre à ces questions. Il sera en mesure d'accepter l'enseignement du Bouddha. Mais s'il ne pratique pas correctement, de façon diligente, en maintenant son attention, il ne sera pas facile pour lui de comprendre clairement l'enseignement du Bouddha. Il y a deux sortes de méditants. Le premier, c'est Panyanusari. Ce méditant comprend l'esprit et la matière et développe la compréhension par sa propre expérience, dans sa pratique, pourvu qu'il note avec précision. Si ce méditant note avec précision, il expérimente, tôt ou tard, l'esprit et la matière. Il comprend expérimentalement que le fait de noter la prise de conscience, c'est l'esprit, que le mouvement qu'il vient de noter, c'est la matière. Ce méditant voit clairement. Voir clairement de cette façon, c'est la sagesse panya. À cause de cette sagesse, la confiance se manifeste en lui. Ce méditant a foi dans le Bouddha, dans le Dhamma et dans la Sangha. Il se dit, j'ai expérimenté, j'ai compris dans ma propre pratique l'esprit et la matière. Le deuxième type de méditant, c'est Saddhanusari. C'est le méditant qui a foi dans l'enseignement du Bouddha, même s'il ne l'a pas encore expérimenté très clairement. Il a donc un certain niveau de confiance, de foi. Sur base de cette foi, encore faible, il va comprendre que s'il n'a pas encore réussi à expérimenter l'enseignement du Bouddha, c'est parce que son attention n'est pas assez développée. Ce méditant va alors faire un effort pour être plus attentif et pour pouvoir expérimenter l'esprit et la matière. Si vous n'avez pas encore pu répondre à ces trois questions, s'il vous plaît, essayez d'appliquer correctement les instructions du Bouddha. Pratiquez de façon diligente. Tôt ou tard, vous réussirez à comprendre clairement et vous serez en mesure de répondre à ces trois questions. Dès que vous y serez arrivé, la joie va se manifester en vous et votre pratique va se poursuivre avec bonheur. La pratique diligente est donc très importante. Au moment de l'entretien, j'ai pu entendre les rapports des méditants. Je suis très heureux car ils ont tous fait de très bons rapports, même si la retraite a à peine commencé. Ces méditants ont fort progressé par rapport aux années précédentes, tout simplement parce qu'ils ont pratiqué régulièrement. Je suis donc très satisfait des rapports, car ils étaient très précis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément air, car nous essayons de nous focaliser sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. On nous demande d'observer attentivement le mouvement de soulèvement, et au moment où nous notons soulèvement, nous devons voir que l'abdomen se soulève. Au moment où nous notons abaissement, nous devons voir que l'abdomen s'abaisse. Les instructions sont très faciles et très simples. Mais lorsque nous pratiquons, notre esprit refuse de rester fixé sur ces mouvements. Il s'échappe constamment. Mais nous devons nous entraîner à suivre très attentivement ces mouvements si nous voulons réussir à comprendre clairement les choses telles qu'elles sont réellement. Nous sommes tout particulièrement occupés par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, même si la signification de Vipassana, c'est d'observer et de noter tout ce qui se manifeste aussi porte sensorielle. Il n'est pas possible au début de noter tous ces objets. C'est pourquoi nous commençons par diriger notre esprit sur les mouvements de l'abdomen, car c'est l'objet prédominant. En posture assise, nous dirigeons donc notre esprit vers l'abdomen et nous notons attentivement. Si nous notons attentivement les mouvements de l'abdomen, nous pourrons voir qu'il y a chaque fois un mouvement de soulèvement et ensuite un mouvement d'abaissement. Voir ces deux mouvements, c'est comprendre l'élément air dans l'abdomen. Il est possible que parfois on ne ressente pas l'élément air dans l'abdomen. On ne voit pas l'élément air, on ne le note donc pas. Mais un yogi qui observe très attentivement va tôt ou tard comprendre qu'il y a de l'air dans l'abdomen. Il comprend que ces mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sont connectés aux inspirations et aux expirations. Subitement, il voit qu'il y a de l'air dans le nez et que cet air va avoir un effet sur l'abdomen. Parfois, pendant la pratique, le méditant entend le son de l'air dans son ventre. Il n'a pas de nourriture dans le ventre et les intestins font du bruit. Le méditant note les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et il entend les mouvements dans les intestins, l'air dans les intestins. Parfois, vous êtes occupé à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et vous ressentez un chatouillement sur le visage par exemple. Vous notez chatouillement, chatouillement. Même si elle est très subtile, cette sensation peut parfois être très forte, très intense, très dérangeante. Si vous n'êtes pas patient, vous aurez l'envie de vous gratter. Vous allez alors commencer à bouger la main et vous notez bouger, bouger. Au moment où vous bougez la main, vous ressentez l'élément air dans la main. Parfois, vous allez vous gratter. Vous utilisez vos doigts pour vous gratter et vous notez gratter, gratter. Au moment où vous vous grattez le visage avec vos doigts, vous ressentez une fois de plus l'élément air dans les doigts cette fois. Parfois, lorsque l'attention du méditant est développée, il peut ressentir les clignements de ses yeux. Il est conscient des mouvements des paupières. Lorsqu'il ferme les yeux, il est également capable de noter ce mouvement. Il y a différentes sortes d'air. Tout d'abord l'air dans l'abdomen, puis l'air dans les intestins, l'air dans les membres, par exemple dans les jambes, dans les bras, dans les doigts, dans les paupières. Il y a ensuite l'air qui entre et qui sort du nez. Il y a l'air qui monte. Lorsque vous observez attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et que vous n'avez pas bien digéré, il est possible qu'il y ait un mouvement d'air vers le haut. Il y a l'air qui descend. Lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et que vous avez bien digéré, il se peut que vous ressentiez un mouvement d'air vers le bas. Vous pouvez également ressentir ce mouvement d'air vers le bas au moment où vous allez satisfaire vos besoins naturels et qu'il y a pression vers le bas. Il y a donc 6 sortes d'air et nous pouvons tous les expérimenter, les comprendre dans notre pratique par l'attention. Il y a l'air dans l'abdomen, l'air dans les intestins, l'air dans les membres, l'air qui entre et qui sort du nez, l'air ascendant, l'air descendant. Ces 6 sortes d'air peuvent donc être observées dans la pratique. Mais il ne faut pas les rechercher. Il ne faut les observer que s'ils se présentent spontanément. Il ne faut pas, au cours de notre pratique, nous demander où est l'air dans l'abdomen, où est l'air dans l'intestin, où est l'air dans les membres, etc. Nous ne devons pas les rechercher. Nous devons tout simplement noter très attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est le seul devoir du yogi. il doit essayer de noter sans interruption et le plus longtemps possible les mouvements de l'abdomen, c'est-à-dire l'objet primaire. Il n'y a rien à espérer, rien à rechercher, rien à trouver. Lorsque son attention sera devenue forte, le méditant sera spontanément conscient de toutes ces sortes d'air. Au moment de l'entretien, les yogis expliquent parfois qu'ils étaient occupés à noter très attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et qu'ils ont expérimenté spontanément de la chaleur intense à un endroit du corps, comme par exemple dans les fesses ou ailleurs dans le corps. Ces yogis n'ont pas recherché cette sensation de chaleur. Ils ont tout simplement noté chaleur lorsque cette sensation s'est spontanément manifestée en eux. Ils ne l'ont pas recherchée délibérément. Lorsque donc vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous devez tout simplement essayer de les noter le plus longtemps possible et sans interruption. Vous ne devez vous occuper que de l'objet primaire. Les sensations vont spontanément se manifester. Pourquoi notons-nous les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen ou tout autre objet qui se manifeste en nous? Est-ce pour trouver quelque chose, pour trouver des sensations? Non, ce n'est pas pour cela. Si nous observons attentivement ces choses, c'est pour comprendre l'enseignement du Bouddha, pour comprendre que tout est anicca impermanent, dukkha insatisfaisant et anatta insubstantiel. Lorsqu'on observe attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il est possible que nous ressentions spontanément un mouvement dans l'abdomen. C'est l'élément air. Lorsque l'abdomen va se soulever, nous ressentons un mouvement ascendant. Lorsqu'il s'abaisse, nous ressentons un mouvement descendant. C'est une espèce de pression. Nous expérimentons alors le mouvement. Lorsque l'attention sera devenue très forte, et que le méditant devient capable de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen de façon continue, la compréhension va tout naturellement se manifester, spontanément, sans qu'il doive la rechercher. Il va comprendre qu'il n'y a personne dans le mouvement. Mais ceci n'est pas facile à réaliser. Il faut pour cela que l'attention soit devenue très forte. À ce moment-là, le méditant peut dépasser le concept. Je vous ai déjà parlé de Upadana, la saisie, le fort attachement. L'attachement peut donc se manifester suite à Tanha, un fort désir, suite aux vues fausses. Le Putujana, l'être ordinaire, est en général encombré par les vues fausses. Nous ne pouvons pas nous débarrasser facilement de cette saisie, de ce fort attachement. À cause de cet attachement, à cause de Upadana, il ne sera pas possible de réaliser les connaissances vipassana. Mais si vous développez votre attention par vipassana, au moment précis où vous observez attentivement les différents objets qui se manifestent, vous êtes libre de Upadana. On parle du lâcher prise. Mais sans attention, il n'est pas possible de lâcher prise. Nous serons toujours attachés. Si nous ne comprenons pas l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire anicca, dukkha et anatta, nous continuerons à croire que ce corps est à moi. Je suis beau. Nous serons très attachés à ce corps et à toutes les parties du corps. Par exemple, on peut se dire « Oh, mes yeux sont beaux, mes sourcils sont très élégants. » On est attaché à toutes les parties du corps. Et c'est dû au désir. Parfois, cet attachement sera dû aux vues fausses. Comment cela se fait-il? Nous ne croyons pas en l'enseignement du Bouddha, nous ne voulons pas croire ni accepter que les choses sont anicca impermanente, dukkha insatisfaisante et anatta insubstantielle. Tout le monde souhaite vivre à tout jamais. Personne n'aime comprendre que tout est anicca. Nous aimons donc ce qui est permanent, ce qui est agréable, ce qui est substantiel. Croire en ces choses, ce sont les vues fausses, c'est ditti. Nous sommes donc attachés par ditti. Lorsque nous pratiquons la méditation vipassana, le but, c'est de comprendre l'enseignement du Bouddha. Vous notez très attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Et au moment où vous observez ainsi ces mouvements, vous voyez l'impermanence, vous voyez Anicca. Plus votre attention se développe, plus vous voyez de changements. Dans un seul mouvement de soulèvement, certains méditants sont capables de voir que ce mouvement n'est pas d'une seule pièce. Il est fait d'une succession de petits mouvements. On peut également réaliser Anicca de façon plus apparente et plus grossière, tout simplement en notant par exemple le mouvement de soulèvement, ensuite on note le mouvement d'abaissement, puis de nouveau un mouvement de soulèvement, un mouvement d'abaissement, il y a chaque fois le mouvement, la prise de conscience. Tout ceci, c'est comprendre. Le méditant qui réussit à faire cela, à observer de cette façon, voit qu'il n'y a personne dans ce mouvement. Il voit également qu'il n'y a rien d'agréable dans cette succession de mouvements. Parfois, le yogi pourrait même se sentir mal à l'aise au moment où il voit cette succession de petits mouvements ou d'événements. Il ne le formule pas, mais en réalité, il expérimente dukkha, l'insatisfaction. C'est de cette façon que le méditant va petit à petit réussir à dépasser le concept. Mais pour y arriver, il faut noter très attentivement tout ce qui se manifeste aux six portes sensorielles. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous expliquer les six sortes d'air. Il ne faut pas les rechercher au cours de la pratique. La seule chose qui importe, c'est d'être attentif de façon précise et ininterrompue au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. L'attention va progressivement se développer et lorsqu'elle sera devenue forte, toutes ces choses vont spontanément se manifester et le méditant les verra automatiquement. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu.